c'est tout puissant, ok jazz. De l'an 2000. Na peki sa yo, kone kakana balaba, na bisote o démarche na yo, et kope sa kangali boma o mama. Soccer. Nada, mis